Et c'est la deuxième partie de l'atelier Buisson qui commence. Julio Cortázar sur IWM2, Improvisation with Myself, signé Klim Poray. Musique au parfum de bricolage, au parfum d'atelier, ça tombe bien. Musique libre et tendue dans la tentative, musique frappée, claquée au marteau, pourquoi pas. C'est la musique de Klim Poray, groupe projet lancé en 1985 par Françoise Lefebvre et Christophe Petchanat. C'est mené par ce dernier depuis 2002. Et Christophe Petchanat, vous êtes avec nous en duplex depuis Saint-Étienne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est compliqué de dire seul ou solo pour Klim Poray, parce qu'on vous trouve souvent sur des projets collectifs. On vous a vu sur des partenariats artistiques, des collaborations avec Pierre Bastien en particulier, oui. Le musicien aux machines folles, avec Dominique Grimaud, qui vous édite aussi sur son label Les Utopistes, qui était notre invité aussi il n'y a pas tellement longtemps. Avec David Fenech, avec Philippe Pérodin de Palo Alto. Est-ce qu'on peut dire que votre musique est une musique qui cherche la tension de la fragilité ? Elle ne la cherche pas, elle la trouve. Elle vit avec, ça en fait partie. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une stabilité quelque part, que des petites routines se mettent en place, je fais un pas en arrière, ou du moins j'essaye de faire un pas en arrière. Vous vous faites vous-même de vos propres croche-pieds ? Oui, bah surtout. J'essaye de sortir des ornières, c'est très difficile, mais j'essaye. Est-ce que vous considérez que vous menez une recherche sonore et musicale ? La terminologie me paraît un peu prétentieuse dans le sens où il y a une grande part d'amusement dans ce que je fais. J'expérimente, oui, peut-être, mais comme un enfant expérimente avec son jeu de cubes qu'il détourne de sa fonction première et qui devient autre chose. Et les cubes, ils ont peut-être un son intéressant. Mmh. Et puis, c'est peut-être les couleurs qui vont être plus importantes, enfin... Voilà, je voudrais surtout pas être catalogué dans une dimension cérébrale. Vous êtes dans une pratique, et c'est vrai que cette pratique fait que vous produisez beaucoup, vous produisez énormément, de manière, j'allais dire, presque débridée. Enfin, ça reste ordonné malgré tout, mais vous produisez énormément. Oui, de manière pathologique peut-être. Ah oui ? 4 disques en 2013, 3 en 2012. J'ai vu 7 albums en 2010. Pourquoi pas ? C'est même bien, c'est signe de foisonnement. Alors, je crois que j'ai beaucoup de chance d'une part, parce que j'arrive jusqu'à présent à rencontrer des labels qui sont disposés à publier ce travail. Il faut savoir que ça ne représente qu'une partie de ce que je produis. Il y en a une partie aussi qui reste dans des tiroirs parce que tout ne trouve pas preneur. Je pense que j'ai une capacité effectivement à créer qui est assez foisonnante, débordante, exubérante ou énergique. Pathologique, je disais, parce que je ne sais pas comment je vivrais si je n'avais pas d'activité créatrice. Surtout la musique, l'écriture également. Mais vous écrivez, vous avez fait assez tôt, du point de vue médiatique, j'allais dire, de la littérature électronique, et puis vous êtes poète, voilà, vous êtes poète sous forme écrite, et puis Klim Poray, c'est un acte de poésie aussi, on peut le dire comme ça. Pour moi, tout se tient. Je fais pas de distinction forte, je dirais, entre mes diverses activités. La musique est plus amusante, c'est plus facile, c'est plus distrayant, c'est également quelque chose qu'on peut faire à plusieurs. C'est quelque chose qui n'est pas limité par les contraintes de la langue, notamment quand on fait de la musique instrumentale. Voilà, puis c'est, effectivement, c'est beaucoup plus ludique et amusant et léger que l'écriture qui pour moi, est un acte solitaire et pas très facile. Quand vous dites que la musique instrumentale en particulier se joue des frontières et très vite internationale, c'est d'autant plus vrai pour Klimperei, pour vous, que au Japon en particulier, votre travail musical connaît un bel écho. Il semblerait, en tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer un label qui a publié je ne sais plus combien d'albums d'ailleurs de Klimperei. J'ai eu aussi l'opportunité de faire de la musique pour de la publicité au Japon. Bon, c'est des choses qu'on ne refuse pas forcément. c'est marrant, vous avez l'air de vous en excuser quand même. Oui, écoutez, c'est pas toujours très, très glorieux de faire de l'alimentaire, mais pour le coup, c'était un produit qui ne me posait pas de problème et c'était un projet musical qui me convenait, donc voilà. Au Japon, il y a un album qui est paru, je crois, l'année dernière, qui s'appelle « Petites pièces indélicates », c'est ça ? Oui, c'est ça. Et sur cet album, le premier titre, c'est Klimperei, et comme on est encore dans la partie de l'émission où on fait connaissance avec vous, Christophe Pechalat, écoutons Klimperei par Klimperei. Klimperei, le morceau par Klimperei, le groupe avec vous, Christophe Pechanat, qui est avec nous en duplex depuis France Bleu à Saint-Étienne. Il y a un instrument qui est fondamental au tout début et par la suite aussi, mais qui est fondateur du projet Klimperei, c'est le piano, non ? Oui, c'est le piano. C'est le piano qui donne le nom aussi, Klimperei, puisque ça signifie pianotage ou pianoter en allemand. Les fondations de Klimperei, c'est un duo avec Françoise Lefebvre qui était pianiste. Et donc, nous étions aussi couple. Quelques années, je dirais, après notre rencontre, alors que je faisais déjà de la musique, mais qui était beaucoup plus orientée électropop, on va dire, pour faire simple. Oui. Me dit un jour, écoute, c'est bien beau ce que tu fais, mais moi, j'aimerais bien qu'on fasse de la musique ensemble et pas ça. En gros, l'histoire très vite. Donc à l'époque, nous avions un mode de vie très modeste. Donc pour acheter un piano pas cher, j'ai vendu ma discothèque, ma bibliothèque, etc. Donc ça permettait de franchir une étape et de faire autre chose. Donc les premières compositions étaient uniquement des pièces à quatre mains au piano, ce qui signifie que je me suis remis aussi très sérieusement à la théorie de l'écriture pour être capable de, justement de produire des partitions qui ressemblent à des partitions. Mmh. Et puis nous avions à l'époque un voisin qui lui était plutôt dans le folk et le jazz et avait aussi une jolie petite collection d'instruments, jouets, des apos, xylophones, etc. Mmh. Qui un jour me dit, mais tiens, mais pourquoi vous n'essayeriez pas de rajouter quelques petits trucs. Et ça a démarré comme ça. C'est-à-dire que d'emblée, on s'est rendu compte que c'était plaisant, en tout cas que ça nous plaisait, que ça produisait un climat, une ambiance, une émotion qui était exactement ce que l'on souhaitait rendre. Et c'est nettement plus tard que j'ai découvert le travail de Pascal Comelade, par exemple, qui, à l'époque, était assez proche. Mais avec aussi des instruments joués. Oui, voilà. Mais c'est vrai que je connaissais absolument pas ce secteur-là de la musique qui effectivement existait avant Klimperei. On invente rarement grand-chose, mais ça m'a conforté en fait. Vous dites que ces instruments prêtés par votre voisin, instruments joués en partie, c'était exactement ça que vous cherchiez. Donc vous aviez l'idée de quoi, d'un son que vous visiez? Bah, le mot chercher était peut-être pas le mot adéquat, mais en tout cas, on a rencontré quelque chose qui nous plaisait drôlement. Non, dire qu'on cherchait, non. Moi, j'étais un peu insatisfait dans la mesure où passer des synthés, boîte à rythme, guitare électrique au piano seul, c'était pas facile. Et du coup, il y avait une dimension ludique qui revenait là-dedans, tout en gardant un esprit relativement classique. Et c'est ce côté ludique et ces instruments joués font que parfois on rapproche Klimperei d'une musique, on va dire, enfantine. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est vrai selon vous? C'est un cliché, je pense. Mmh. C'est-à-dire que dès lors qu'on utilise des instruments joués, le journaliste paresseux ramène au monde de l'enfance. C'est pas du tout le cas. Mmh. Il est arrivé que je fasse des travaux spécifiques en direction des enfants, un livre disque pour enfants par exemple. Mais pour moi, l'instrument jouet, c'est surtout comment dirais-je, interpeller l'enfant qui est en nous, dans l'adulte, mais c'est pas l'enfant petit qui, de toute manière, ne dispose pas ni de la culture musicale, ni du vécu nécessaire pour apprécier justement cette chose-là, qui est un peu le rappel d'un passé mythique, parce qu'on l'a pas forcément connu, ce passé de fêtes foraines, de kiosques, de musiciens de rue, de tout ce qu'on voudra, mais qui est pas nécessairement réel de surcroît. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ces instruments-là, c'est généralement leur médiocre qualité. C'est-à-dire qu'ils produisent des sons qui ne sont pas très propres, qui ne sont pas très justes. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est une fragilité. Pas forcément. C'est pas forcément péjoratif quand je dis ça, la fragilité. Non, j'entends bien. C'est pas forcément de la fragilité, c'est du bruit dans le son, c'est le bruit de la mécanique sur un piano jouet, c'est enfin toutes ces choses-là qu'on a un peu perdu quand même sur les dernières décennies, où on a quand même entendu beaucoup de choses qui étaient extrêmement propres en termes d'enregistrement et de production. Et bon, pour moi, il y a un peu d'humanité aussi qui est liée à ces choses-là. Alors tout n'est pas musique enfantine, loin de là, chez Klimperei, mais comme vous l'avez dit, de temps en temps, il y a aussi des disques pour enfants, et notamment un album qui s'appelle Galipoche et Chipiron. Et Chipiron, en 2007. C'était pas pour les enfants, c'était pour ma fille. Ah, c'est bien de le préciser. C'est Lola, c'est ça? Oui. Et donc, en particulier, un des morceaux de Galipoche et Chipiron, Lola se réveille. Thank you. Voilà, Lola se réveille dans l'album Galipoche et Chipiron avec la voix de votre fille. Donc c'était qu'en 2007, c'est ça, 2006, 2007. J'ai une très mauvaise mémoire des dates, notamment. D'accord, mais donc tout petit bébé. Dans les influences revendiquées de Klimperei, j'ai lu le groupe mystérieux Les Residents, qui est une forme de... J'ai l'impression de mots de passe entre différents groupes. Quand ici, on avait reçu les frères Lefdup, fameux auteur de L'Œil du Cyclone, il y a quelques années sur Canal+. Les Residents faisaient partie de leurs références clairement exprimées. Mais Daft Punk aussi parle des Residents. C'est inspiré d'eux, notamment pour les casques, les visages qu'on ne voit pas. Vous, c'est une référence aussi. Oui, mais plus musicale peut-être qu'esthétique. Les Residents, notamment, ont fait partie de ces groupes musicaux qui m'ont décomplexé, je dirais, dans les années 80, à peu près, au moment où je les ai découverts. C'est-à-dire qu'auparavant, j'écoutais essentiellement de la musique dite progressive, que je ne renie pas d'ailleurs, mais qui est une musique très technique. Et comme je suis un gros paresseux, je n'ai jamais été foutu de composer et de jouer de la musique de ce type-là. Sauf qu'à un moment donné, c'était on faisait ça ou rien. Mmh. Enfin, je fais un peu simple. Hein. Mmh. Il y a eu l'apparition du krautrock, la découverte de ce qu'on appelle le krautrock, qui était intéressant parce qu'on avait une autre vision, une autre approche de la musique, mais qui restait malgré tout une musique relativement technique. Et puis, pour moi, des groupes comme les Residents, mais aussi Père Ubu, des choses de cette mouvance-là, et le punk, mais... Comme ma culture n'est pas rock'n'roll, j'étais quand même beaucoup moins auditeur de punk que de Residents, par exemple. Pour moi, c'était la démonstration de c'est pas parce qu'on joue pas bien qu'on n'a pas le droit de faire de la musique. Ouais. Mais c'est vraiment un mouvement punk. Faites-le vous-même, prenez la guitare, allez-y. Oui, c'est ça. Et c'est grâce à ces groupes-là, je ne vais pas les citer tous, mais on voit l'espèce de mouvance de ce qu'on appelait l'afterpunk, la no wave, etc. Moi, que je me suis autorisé à faire de la musique. Mais quand ce piano est arrivé chez vous, donc qui a un peu fondé et marqué le début de Klimperei, vous allez aussi vers Satie, vers Debussy. Ça fait partie aussi des racines de Klimperei. Mais ce dont je parlais précédemment était plus ancien, c'est-à-dire les années 80, début des années 80. Klimperei, ça débute vraiment plutôt vers la fin des années 80. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'intervalle. J'ai enregistré des kilomètres de bandes magnétiques, pour ne pas dire de musique. Donc j'ai vraiment, je me suis tout permis, y compris le pire. Et puis effectivement, le piano arrive à un moment où la musique tourne en rond, synthé, boîte à rythme, séquenceur, etc. C'est très agréable, mais c'est mécanique. Et puis, il y avait effectivement l'acquisition d'un savoir-faire qui me permettait d'enregistrer des morceaux, je dirais, à la chaîne, sans trop m'interroger. Mais est-ce que, là, en ce moment, par exemple, ce qu'on entend, c'est un enregistrement que vous nous avez prêté pour l'émission de ce soir. Vous continuez l'exercice d'enregistrer des kilomètres, alors non plus de bandes, mais ça se compte plus en bandes, ça se compte en mégaoctets ou en gigaoctets. Ça fait partie de votre méthode d'enregistrer comme ça, de vous libérer comme ça, de tenter les choses. Tenter, c'est bien le mot, oui. Ouais. C'est-à-dire que c'est du brouillon qu'éventuellement on va reprendre ou pas, qu'on va jeter, qu'on va oublier, qu'on va redécouvrir, qu'on va retravailler. En fait, la genèse de cette façon de travailler-là s'est faite avec la série d'albums Improvisation with Myself que Denis Tagu du label Impolisson m'a permis de faire. Imaginez le cadeau. Tiens, si tu veux, tu fais 5 albums. C'est un cadeau et en même temps, c'est un défi. Ouais, mais vraiment, ça tombait à un moment où justement j'étais dans casser, encore une fois, les habitudes. C'est-à-dire que Klimperreis était devenu une sorte de concept un petit peu figé, c'est-à-dire on fait une petite valse, on met des instruments jouets, on trouve une chouette mélodie, et puis c'est bon, quoi. Mm-hmm. Je fais un peu brutal. Oui. Ça, je sais toujours le faire, je le fais parfois, mais j'avais envie d'aller ailleurs, et le problème que je rencontrais, c'est que quand les gens vous connaissent un peu, ils attendent quelque chose de précis, et autocensure ou autre chose, je ne sais pas. C'est vrai qu'on ne s'autorise pas nécessairement facilement à aller ailleurs, au risque de, je ne sais pas, surprendre, décevoir, contrarier, peu importe. Et donc là, vous êtes autorisé l'improvisation du fait de ce projet qu'on vous proposait, c'est Improvisation with Myself. Ce qu'on a écouté juste au début de notre conversation, c'était extrait de cette série-là, et notamment la série numéro 2 de ces improvisations, qui porte les morceaux portent des noms de grands auteurs. Et là, c'était tout à fait. Le Cortazar. Tout à fait. Je voulais également faire des liens entre les choses. Et si cet album-là permet à quelques personnes de découvrir quelques auteurs que j'estime très importants, ça sera une belle chose de faite également. Donc ce travail d'improvisation devient un mode de travail pour vous désormais ? C'est un mode de travail parmi d'autres, parce que je peux aussi composer une pièce courte, très structurée et très écrite. Et j'ai besoin de ça en ce moment aussi, parce que j'essaye de préparer des interventions live solo. Et ça, c'est nouveau. Oui, parce que jusqu'à présent, je me suis toujours appuyé sur les amis. Et on m'a fait une proposition de jouer en première partie d'un groupe du label Monster Cassette. Et je me suis dit, bon, ben allez, cette fois, c'est à côté de chez moi. c'est des gens que je connais bien. Je tente le coup. Ce qui fait que c'est pas seulement un travail musical, parce que ça, je pense que je suis assez au clair avec moi-même là-dessus. Je sais que je suis pas un grand musicien, mais j'en ai pas du tout l'ambition. Enfin, je parle en tout cas pas un grand technicien instrumentiste. L'idée, c'est de gérer mon espace, mon temps et mon son de la manière la plus probante possible, et notamment en termes d'ergonomie aussi. Quand on est seul sur scène et qu'on a une guitare électrique, un pédalier, des instruments, deux ou trois micros à manipuler, il faut s'organiser. il faut s'organiser, faire ça, que ce ne soit pas ennuyeux pour le public. Et c'est vrai que le live, Klimperreis, vous en avez peu fait. Ce n'est pas une chose qui entrait vraiment dans votre univers, dans votre manière de faire. Et donc, vous nous annoncez que ça va peut-être être le cas bientôt. Oui, j'ai quand même fait quelques concerts par-ci, par-là. Mais jamais seul. J'aime pas tellement faire des concerts. C'est pour moi une grosse consommation d'énergie. Je suis pas stressé, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Et comme ma mémoire est absolument catastrophique, je suis quasiment incapable de rejouer un morceau qui existe. Je suis donc parti sur l'improvisation ou la semi-improvisation par défaut. Ce que je voulais dire, pardon, je vais juste terminer là-dessus. Et donc le résultat n'est pas toujours probant. Voilà. Donc pour moi, c'est beaucoup d'énergie pour un résultat qui est parfois décevant, en tout cas pour moi, comparativement au travail de studio où là, on peut reprendre, effacer, recommencer, bricoler. Je suis bien dans le studio, moi. Ça ressemble à quoi chez vous, Christophe Petchanas, dans votre atelier sonore, dans votre atelier, dans votre chambre de création? Est-ce qu'on peut parler de ça? Alors, en fait, c'est installé sur une mezzanine qui est assez grande. J'ai un dispositif d'enregistrement qui est plutôt rustique, qui est numérique mais rustique, c'est-à-dire que en gros c'est une machine avec record et play. C'est une vieille machine de la marque Alesis, un gros magnétophone quoi. Et table de mixage à l'ancienne. Et puis il y a surtout énormément de bazar, parce qu'il y a une dizaine de guitares, des coffres avec des jouets, des bouts de bois, des élastiques, des ressorts, des morceaux de fer. Il y a des mètres cubes d'instruments. Oui, et de temps en temps, on ressent même ces mètres cubes d'instruments dans certains de vos morceaux. Qui est Body Cocktail, Christophe Petchanas? Alors, Buddy Cocktail, c'est un musicien américain qui s'appelle Zan Hoffman. Enfin, je pense que c'est son vrai nom, j'en suis pas sûr. C'est un type qui est complètement fou. Il a dû enregistrer des centaines d'albums. Il est tout le temps sur les routes, en train de faire des concerts, vêtu d'un smoking, d'un nœud papillon. Enfin, c'est assez curieux. C'est pas tout à fait du Jean-Louis Coste, mais ça n'en est pas très loin quand même en général. C'est-à-dire que c'est plutôt un performeur. Ouais. Et puis là, il m'avait proposé un travail en commun sur la base de morceaux qu'il avait enregistrés à l'accordéon ou à l'harmonium. J'ai pas bien compris, mais enfin, le son est assez proche. Et donc, il a commencé les morceaux et je les ai terminés. C'est un travail en cours qui n'est pas encore disponible, si je ne me trompe pas. Alors, le travail est terminé, il manque plus que le mastering et puis aussi un label. D'accord, mais comme ça, l'annonce est passée et nous, ça nous permet donc en avant-première de proposer à entendre, à l'écoute, Climper High et Buddy Cocktail. Pardon ? C'est bien. Oui ? C'est bien. C'est bien, c'est bien et c'est Chat Chat Chat Chantada. Collage, frappe, improvisation, composition, travail en collaboration à distance, en l'occurrence, voilà quelques-uns des mots de notre conversation ce soir avec vous, Christophe Pechanatz, alias Climper High, on peut dire ça comme ça aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre univers et de vos sons, et donc on suivra cette production pléthorique qui est la vôtre et toujours intéressante. Merci à vous. Merci encore. Au revoir. Merci à tous, merci à Philippe Bassé et Pierre-Yves Massé qui étaient nos invités dans la première partie de l'émission. Les phonotopies commandées par le GRM sont donc à surveiller. Philippe Bassé, toujours donc le livre La Conjuration chez Fayard. Et Pierre-Yves Massé, le dernier disque, c'est Segments et Apostille qui est paru en septembre sur le label Tzadik avec l'ensemble Instant Donné. En ligne, toutes les références sont sur franceculture.fr, bien sûr à la page de l'émission L'Atelier du Son, comme les commentaires, la réécoute et les podcasts. L'Atelier du Son est préparé et coordonné par Inès De Bruyne et réalisé par Véronique Lamandour. Au son ce soir, il y avait Joanne Blanc à Paris et à Saint-Étienne, Stéphane Camerlan. Tout de suite, vous retrouvez Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture et à vendredi prochain.